trompe, dit à Brise. Tu m'as promis d'être là, à l'aube, pour me voir. Tu m'as même promis d'y rester dans mes bras. J'ai construit ce manque sans cet autre près de moi. Je ferai de cette aube une noirceur mon premier soir. Ma Brise est passée après l'aube et voilà. Tu ne dis plus rien, tu t'en fous, t'es plus là. Ton sourire en coin me glacera le regard. Je tourbillonne au loin après l'aube devenue soir. D'être là à l'aube pour me voir. Tu m'as même promis d'y rester dans mes bras. J'ai construit ce manque sans cet autre près de moi. Je ferai de cette aube une noirceur mon premier soir. Brise lui répond. Aube, dit à Brise. Brise lui répond.